96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, comme chaque jeudi, entre 18h et 20h. Et c'est Chantal qui vous accompagne. Bienvenue à tous, un très très très très bonne soirée en ma compagnie avec du très très bon son. Bien sûr, du zouk, du compas, mais alors plein de bonnes choses, vous allez voir. Un plein de soleil. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical. Ça, c'est ça, pour moi, où il y a un peu. Vous pouvez bien faire, bien faire. c'est du soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. Toutes les nouveautés, zouk et compas de l'été. Eh bien oui, c'est dans votre émission entre 18h et 20h. C'est Stéphane Ligier, figurez-vous. Tout nouveau, tout beau, c'est sorti hier. Le titre, c'est N. Non, c'est pas N. C'est Amour et N. Après l'amour et la passion, on avait l'amour et N. Du compas pour tous les fanatiques avec Monsieur Harley Larivière, le groupe New Look. Je vous propose tout de suite d'écouter ce titre en compagnie de Carly. Salut à l'oubli. Et après, tout de suite après, c'est qu'on souvient. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. si à la tristesse en moi, depuis que tu donnes à Zalé mon amour. Il a perdu son bleu, celui que nos amis ont tant aimé. À penser, il semble que si tu ne reviens pas, au jour le jour, je ne vivrai que pour verser des larmes. Si seulement un matin, à ton retour, je te retrouverai chez nous. Celui que nous avions tant aimé. À penser, et il semble que si tu ne reviens pas, un jour le jour, je ne vivrai que pour danser la joie. Que obsession tengo por ti, Carolina. Sabroso. Arc-en-Ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. J'adore cette version de Compas Créole, hein, du célèbre titre Caroline Descache-Pas. Alors j'espère que vous êtes bien, que vous êtes bien, bien installés, parce qu'on va continuer comme ça. Alors, 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical, les séquences souvenirs comme ça avec Stony et Calypso. Tous les tubes, zouk et compas de l'été. Eh bien oui, c'est rien que dans votre émission Groupe Tropical, chaque jeudi entre 18h et 20h. Tout de suite, c'est Jimmy Desvarieux.

tropicale, chaque jeudi, 18h-20h, le meilleur de musique qui nous vient de la Caraïbe. Ah, c'est bon. Chérie, moi j'ai. Mérité le repos minimum 5. VHD invite au minimum 6. Milan sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHD invite au minimum 6. Milan sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Tazo. 10 sur 10, c'est la notation. Allez, pin la cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en fait, j'ai reçu les contrats, donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. J'ai acheté un vide au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. J'ai un vide au minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Cotazo. 10 sur 10 c'est la notation. Allez Bina Cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. J'suis fils de Dieu, y'en a un. Tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit j'suis fils de Dieu, y'en a un. Donc faut bien mériter pour moi. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. l'argent dit mon qualité. Pour moi, je préfère découvrir. En qui j'en la vie, mais c'est quoi? Arc-en-Ciel 96.2, bien sûr, vous aviez reconnu les deux Kassab sur le 96.2. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de compas avant de retrouver, d'ici quelques petits instants, le tout dernier album de T-Bry. C'est bien, oui. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Moi, je vous propose un petit retour en arrière. Si ça veut bien y aller, non. Spéciale dédicace de la part de Patrick, qui est fan de Volo Volo, que j'embrasse très fort. Parce qu'en plus, il me l'a dédicacé. Et gentil, monsieur. Bisous à toi. Moi, marcher, moi, chercher, mais pas gagner, toco. Si on t'est capable, parce que l'amour gagne pour vous, ou t'as ouais, nous, la paix, on est tout le temps. Moi chercher, moi pas je jouais de cours. Moi marcher, moi chercher, mais pas gagner de cours. Mais c'est pour Marie-Josée, Jodia, pour raconter tout ça que moi senti pour vous. défilé, bébé, ou qu'on aimerait mettre ça. J'en dis qu'elle pas bien fort à chaque fois où fait ça. Au fond, ses ailes s'envolées. Et puis, moi, senti coller. Ou qu'on j'en plus femme, ou femme, ma qui est pas en place. Ou femme danser sous point de pied. Et pour toucher, t'y patia. Fait Jackie Chan, placé kata, aïe aïe aïe. C'est premier fois au monde faire ça. Dans bouche mais pas j'aime qu'un coup ça. Parti n'a rivé, si m'y est tout divise. Si chaque jour m'a des biblis, m'a des biblis. C'est blot ou mettre faible la loi. Ou mettre à l'ennemi dans le ma. Ou mettre un même en prison. Et belle criole pile tâche. Belle tribaille pas une tâche. Ou bien en l'air ou bien en bas. Ou y'a queen l'antifa. Ou l'y met mèche ou notre tête mè. Mais tes y sens ou tout en mè. Ou mèche de poulet de sous mè. Chaque fois où toucher, dis comme moi. Ou faire l'autre pas gagner pour moi. Tellement moi baigné dans miel. Oh, oh, j'ai ouvert une avant en mer. Assoy, am cal, bal, bal. Sorti hier sur toutes les plateformes de téléchargement, n'hésitez pas, c'est une bombe. Allez, autre nouveauté tout de suite. J'aime beaucoup cette artiste. Écoutez, je suis sûre que vous allez la reconnaître. Mademoiselle Orlane, c'est une nouveauté. Hein, l'album vient de sortir, enfin, le titre vient de sortir il y a quelques jours seulement. Et c'est Fan Love. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Thank you.

t'a gardé. Les hommes sans pitié, y a fait rien pour tomber. Comme il faut nous critiquer. Les hommes très jaloux, même les aptus bon sou. J'habite sa webinité, on y est pour être offensé. Pas grand pilibilité, s'il plaît toujours exister. Vito ma qui est misère, pour le papa rep danger les hommes. J'amoune sa yon palé, yon palé sa yon palé. Vito ma qui est bon. Souvent, souvent, souvent, les zones ont caillé les bonnes mamans. Après, une fois, ils ont connu tout le classique à zone aux Antilles, papa. Yeah, papa, papa. Écoutez. Chanter, nous comptons, nigga. What's your name? Jean-Philippe Martelly avec ses titres, c'est content. Dédicace à tous les gens qui sont amoureux comme ça. J'aime bien. Belle ambiance dans votre émission Groupe Tropical. On a reçu le jeune homme il y a quelques temps dans le studio pour nous présenter un petit peu son parcours ainsi qu'avec sa sœur jumelle. On avait passé un super moment. J'ai reçu donc son tout dernier single qui est sorti il y a 2-3 jours je crois, qui est déjà à découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est MLZ alias Nelson. Je vous laisse écouter, c'est une petite pépite. 18h20, votre émission Grand Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Sans trop gentil ou mon caleçon, je veux une wife et pas une fille. Mais il faudrait que je reste mature car parfois tu critiques et je fais tant d'efforts. Pourtant, c'est naturel quand je veillais sur toi. Prends le soin de toi même si je brûlais tout le temps. Oh, parfois, oh, parfois, tu critiques et je fais tant d'efforts. Pourtant, c'est naturel quand je veillais sur toi. De toi même si vous des tout le temps. Oh parfois, oh par toi. Et même si parfois on perd du temps, j'en voudrais si t'en deviens distrait. J'aime nos confrontations calmées. J'aime nos confrontations calmes et chiantes. Je boudais ça c'était tout le temps. Car tu m'avais piqué, j'apprends que c'est dur d'être aimé. Et de prendre son mot dans les mots entiers. Quand ça vient jusqu'au coup, je vise la mairie, mais des projets, il y en a beaucoup. Elle vise la mairie, donc mon oncle va step up du coup. Donc mon oncle va step up du coup. Donc on se dispute calmement, même si je sais que c'est chiant. C'était pour avancer pour très longtemps, baby, baby. Pour toi, moi je prendrai le temps. Tu sais jamais, jamais, non, non, je sais le temps. Donc si ça doit arriver, reste bien concentré, ouverte à la discussion. Ah, là, là. Ah,

Pour apprécier Potentiel, votre émission Groupe Tropical. C'était le duo Jocelyne Nabil, Christiane Vallejo avec ce titre sans plaisir sur Arc-en-Ciel. Avant de retrouver Thierry Cam dans quelques petits instants avec une nouveauté, eh bien oui, il est de retour, un petit regain d'activité. Il y avait très très longtemps quand même. Je vous propose justement de retrouver une nouvelle fois Christiane Vallejo avec un nouveau titre, c'est Game for Loving. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Tell me what you need, I'll give the world if you want. Wanna be a lover, I just wanna be a man. Till the end of time, girl, I think you are the one. I love the vibes, I love the vibes. Pretty look in your eyes, I'm hypnotized, girl. Give me your loving, baby. Don't make me beg, can't take no more. I'll give them kissing, baby. passer les heures. Un regard subtil, tout devient tactile. Je suis comme électrisé. Chérie, je suis épris de toi. Je suis dans la force, c'est comme ça. C'est tellement plus fort que moi. Je t'aime, je crois. Immobile, le souffle coupé. Moi, je reste planté là, sans bouger, à te regarder. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de t'aimer. Tout ça m'a dit.

96.2. FM em couleur. Apesar do presidente norte-americano ter considerado nas últimas horas que talvez fosse já tarde demais. Em Israel, o primeiro-ministro considerou esta tarde que para destruir o programa nuclear iraniano toda a ajuda é bem-vinda. Benjamin Netanyahu já tinha dito antes que os Estados Unidos têm ajudado muito Tel Aviv no conflito com Teherão. O primeiro-ministro israelita diz também que a queda do regime iraniano não é um objetivo, mas ela poderá acontecer na sequência desta guerra. As trocas de mísseis entre os dois países continuam sem fim à vista. Portugal não precisa de escrever cartas, como fez Espanha. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, desafiou esta tarde o primeiro-ministro a defender na Cimeira da NATO, na próxima semana, em Haia, que o país não está disponível para gastar mais dinheiro em defesa. Portugal não precisava de escrever carta nenhuma. Não tinha nenhuma carta. Chega lá o senhor primeiro-ministro, chegava lá à Cimeira da NATO e dizia: connosco não. Obrigado, connosco não. Temos problemas no nosso país para resolver mais importantes do que a vossa loucura da guerra. Não precisava de escrever carta. Pronto, se quiser escrever uma carta, posso dar uma ajuda sobre isso, mas acho que não vale a pena. Chega lá e diz: connosco não. Temos problemas estruturais no nosso país para resolver. Precisam de investimento. Precisamos de investimento na habitação, precisamos de investimento na saúde, na educação, precisamos elevar as condições de vida do nosso povo. E as condições de vida do nosso povo não se elevam apostando e investindo o dinheiro que não existe, na loucura da guerra. Portanto, não era preciso cartas, bastava ler. E pelos vistos vai, não é? Pelos vistos o primeiro-ministro vai à Cimeira da NATO. Tem uma boa oportunidade. As críticas de Paulo Raimundo, depois do Ministro das Finanças não ter comentado hoje as exigências do Presidente dos Estados Unidos e do Secretário-Geral da NATO para que os países membros da Aliança cheguem aos 5% do PIB em gastos militares. Para já, do lado português, mantém-se o objetivo de chegar aos 2% ainda este ano. No Luxemburgo, à margem de uma reunião dos Ministros das Finanças do Euro, Miranda Sarmento disse também que espera ver aprovada o mais rápido possível no Parlamento a redução do IRS, que vai beneficiar as famílias. Estão em causa 500 milhões de euros, um corte de 500 milhões neste imposto. O secretário-geral do PCP diz que contas feitas são cêntimos para as famílias no IRS e muito mais dinheiro para as empresas com a descida do IRC. Perguntam-me se 500 milhões é pouco. 500 milhões não é pouco. Agora, o que nós estamos a falar é que se o programa do governo for por diante em 4 anos, a descida no IRC são 5 mil milhões de euros. É 5 mil milhões de euros que ficam custados de despensa para ficarem nos cofres de quem? Não é no meu bolso, não é no seu bolso, não é no bolso de quem trabalha. É dos 9 grupos económicos, os tais dos 32 milhões de euros de lucros por dia. O governo dá-nos uma cenoura. Nós vamos todos atrás da cenoura? Não, nós temos que olhar para as coisas como elas são. Estamos aqui a discutir, desculpem a expressão, trocos, quando a parte de leão está destinada à descida do IRC. Esta sim é que é o grande golpe fiscal que está em curso. Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, esta tarde, à margem da visita à Feira do Livro de Lisboa. A lei entra em vigor amanhã e são ainda muitas as dúvidas sobre os veículos abrangidos. Esta tarde, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária veio esclarecer que, afinal, a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil não se aplica aos utilizadores de trotinetas e de velocípedes. O esclarecimento surge depois da PSP ter avançado que, a partir de amanhã, passaria a fiscalizar o seguro nas trotinetes elétricas, scooters elétricas, segways e outros veículos, uma obrigatoriedade prevista no decreto-lei que transpõe a diretiva comunitária relativa ao seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, este decreto-lei é aplicável à circulação de qualquer veículo a motor destinado a circular sobre o solo que tenha uma velocidade máxima de projeto superior a 25 km por hora ou um peso líquido máximo superior a 25 kg. São questões técnicas que muitas dúvidas têm gerado aos utilizadores destes veículos e até às autoridades, como a PSP. A Antena 1 já pediu esclarecimentos esta tarde ao Ministério da Administração Interna. Continuamos a aguardar a resposta. Está quase no fim o jogo 2 da final do play-off do Campeonato de Futsal. O Benfica está a receber o Sporting no Pavilhão da Luz, depois de ter vencido num primeiro encontro no Pavilhão João Rocha. Estamos quase no fim da partida, João Santos Correia, e o Sporting está na frente. Estamos a 43 segundos do fim do jogo, com o Sporting a vencer por 3-1. O último golo foi apontado por Diogo Santos no 13º minuto desta segunda parte. Por isso, tudo de feição para que o Sporting empate a série a um jogo, obrigando a que exista então um jogo 4 para decidir, pelo menos um jogo 4 para decidir o campeão desta final de futsal. 43 segundos para o fim. É pedido agora uma pausa técnica. Benfica 3, faltas, Sporting 4, Benfica 1, Sporting 3 no marcador. Jogo praticamente a terminar, com o Sporting na frente do marcador, vai vencendo por 3-1. No basquetebol, o início do encontro entre Portugal e a Bélgica, que marca a estreia da seleção portuguesa no Europeu Feminino, foi adiado 45 minutos para as 8 da noite, hora de Lisboa. Tinha início marcado para daqui a pouco, 7:15. Há, no entanto, problemas técnicos no pavilhão que estão a afetar o som e também os ecrãs, falta de energia que obrigou já a que o encontro entre a seleção anfitriã e Montenegro, que tinha início previsto para as 5:30 locais, começasse com praticamente uma hora de atraso. São quase 8 décadas de história. A companhia Lisbon Players, fundada por ingleses na década de 1940 em Lisboa, continua no ativo e estreia precisamente hoje no Teatro Variedades a peça Eda Gabler, pela mão do encenador Miguel Jesus. O jornalista Sandy Gageiro conta-nos um pouco da história desta companhia e leva-nos ao palco. It's remarkable to see you in daylight. And? You look younger. Em praticamente 80 anos de existência, sempre a fazer teatro em inglês. A companhia Lisbon Players estreia-se agora no Variedades, com um clássico e com o encenador Miguel Jesus ao leme, satisfeito com o elenco, que surgiu depois de um casting prática de sempre da companhia. Tivemos muitas inscrições, portanto, 100 e tal inscrições, que foi surpreendente, e realmente tivemos a sorte de encontrar um grupo muito forte e muito coeso de atores. Foi muito bom poder trabalhar esta encenação em conjunto, sobretudo com o grupo de atores. Fundada em 1947,